Chapitre 7e. Les fugitifs sont maintenant assiégés sur la petite plateforme qui leur sert de citadelle. Tout d'abord, les desperados sont essayés de donner l'assaut. Mais avec des tireurs comme Joey, Jean et Harry, la tentative a été de prime abord désastreuse. Repoussés avec perte, les bandits se sont cachés derrière les roches au bas de la côte et ils ont commencé le blocus. Ils vont tâcher de réduire par la famine la vaillante petite troupe. Grâce à l'admirable prévoyance de Mamita, il y a fort heureusement des vivres pour quelques jours, et la cascade procure de l'eau en abondance. 24 heures se sont écoulées, et les desperados n'ont pas essayé de renouveler leur attaque. Assurés du succès final, ils attendent. L'essentiel pour les assiégés est de gagner du temps afin de permettre aux secours d'arriver. Le pourront-ils ? C'est là une question de vie ou de mort qui harcèle jusqu'à la souffrance Jean de Fer, le chef dont la responsabilité est effrayante. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Son esprit, si fertile en expédients, travaille sans relâche, rêve les projets les plus insensés, mais ne trouve rien. Le soleil vient de se lever. Il rougit les sommets de la Sierra et se répand au loin comme une mer de feu. Sur la plateforme, Don Blas et sa femme reposent côte à côte, à moitié endormis. Flore et Juana causent à demi-voix, pendant que Mamita, en ménagère économe et avisée, prépare le repas du matin. La carabine appuyée sur un roc, Joey fume une cigarette et surveille avec Harry les desperados embusqués. Jean de Fer, énervé, va, vient, tourne comme un lion en cage, regarde au loin la plaine et machinalement s'arrête à la cascade ombragée par quelques maigres taillis de côté. Cette énorme colonne d'eau qui jaillit du flanc de la montagne et tombe à pic dans le gouffre l'hypnotise. Il la contemple longuement. Et comme si un lent travail s'opérait dans son esprit, il l'associe involontairement à leurs dernières aventures. Il lui semble le connaître, l'avoir déjà vu. Et pour la 10e fois, il se retrace mentalement l'itinéraire qu'il parcourt depuis la découverte du trésor. Puis il s'oriente, se rappelle chaque détour, et finit par cette conclusion déconcertante. Mais nous avons décrit un cercle immense, et nous sommes revenus à notre point de départ. Cependant, je n'ose le croire. L'apparence me dit « Oui, mais la raison me crie « Non ». Mesurant environ 2 mètres de largeur sur 1 mètre au moins d'épaisseur, la masse d'eau verdâtre s'irise au feu du soleil, s'écoule et se pulvérise en gouttelettes finement diamantées. Jean de nouveau examine en détail, et stupéfait, constate en avant du seuil une trace d'usure. Puis aussitôt il aperçoit une chose qui le fait sursauter. Il murmure, l'esprit tendu, le sourcil froncé. Voilà qui est étrange. Le contact de l'eau a profondément érodé le seuil. La cataracte a reculé par le fait de cette usure qui a reporté en arrière le point de chute. Mais ce n'est pas tout. Cette masse de roc sur laquelle jaillit la colonne d'eau a été travaillée de main d'homme. Ce bloc de granit qui porte des marques d'instruments d'acier a été placé là, puis encastré dans des crans qui le maintiennent immobile. Plus de doute. La cascade, à une époque lointaine, fut aménagée ou déviée par des gens disposant de moyens puissants. On a dû l'amener volontairement ici et la diriger dans ce puits. Qui ? Pourquoi ? Dans quel but ? Je veux savoir. Il inventorie minutieusement l'ouverture du gouffre. Elle est non pas circulaire, mais forme au contraire une ellipse allongée dont le grand diamètre atteint près de 3 mètres. Et là encore, il aperçoit des traces considérables d'usure au point de contact de l'eau et du granit. Il se penche, regarde et ne voit rien. Le bruit est rauque, étouffé, avec des grondements souterrains. Et tout cela ne lui apprend pas grand-chose. Mais son esprit est en éveil. Comme il est l'homme des résolutions promptes, il verra et saura. Sans plus tarder, il allonge la main, casse une grosse branche d'eau côté, l'allume et la lance dans le gouffre. La résine brûle sans s'éteindre. Comme il y a au moins 2 mètres entre la partie externe de la cataracte et le bord antérieur du puits, la torche n'a pas touché l'eau. Sa chute s'arrête et, chose étrange, elle continue de brûler. Alors Jean, qui n'en est plus à compter ses surprises, s'écrie résolument « Là où brûle une torche, un homme peut respirer. Je veux aller voir, et tout de suite. Joey, frère, vite, les lassos, et un solide morceau de bois, long de 2 pieds. Vous, Harry, continuez, je vous prie, de veiller. » Pendant que Joey coupe et façonne une branche, Jean attache bout à bout les trois lassos par un nœud marin. Cela fait, il fixe à l'une des extrémités du cordage le morceau de bois par son milieu et le laisse pendre au-dessus du puits. Il passe enfin dans sa ceinture un long éclat de bois de côté et dit à Joey « Je descends. Tu vas filer doucement les lassos. J'ignore à quelle profondeur. Quand tu seras au bout, si tu sens toujours mon poids, tu me remonteras, aidé de Mamita. Il n'y aura rien de fait. Si au contraire, je réussis à prendre pied, je donnerai le signal de me hisser en tirant par trois fois quand j'aurai fini mon exploration. C'est compris ? Oui, frère, c'est compris, répond Joey. Par précaution, et pour empêcher l'usure du cuir sur le roc, Jean, auquel rien n'échappe, applique au point de contact le gros sac en toile de Mamita. Puis, avant même que Flore et Juana, qui regardent cette manœuvre, aient pu s'approcher, ils se mettent à califourchon sur le morceau de bois et crient à Joey « Laisse aller !» Le métis contracte sa puissante musculature et petit à petit, sans heurts, sans à-coups, fait descendre son frère de lait dans l'abîme. Juana pâlit, étouffe un cri et veut s'élancer vers Jean qui vient de disparaître. Une réflexion la retient au moment où elle va lui jeter un mot de tendresse. Mais à quoi bon ? Jean ne connaît-il pas son amour ? Ne sait-il pas qu'elle est à lui pour jamais ? Dès lors, pourquoi le troubler ou simplement le distraire dans cette entreprise effrayante d'où dépendent sa vie et leur salut à tous ? La courroie glisse lentement, avec un frôlement très doux, sur la toile grossière du sac. Cambré en arrière, assourdi par le tapage de l'eau qui roule et rebondit, Joey commence à s'inquiéter. La longueur des lassos réunis diminue de façon effrayante. Encore 10 mètres, encore 6 mètres, plus que 5. Enfin, la descente s'arrête brusquement. Joey ne sent plus le poids de Jean. Une minute s'écoule et la courroie reste molle, sans tension. Jean a pu prendre pied. Alors le métis s'écrie joyeusement « C'est fait, señorita » dit-il à Juana, dont il devine la mortelle angoisse. Il n'y a plus qu'à prendre patience. Jean est donc parvenu à une profondeur qui n'est point inférieure à 40 mètres. Don Blas et Doña Laura se sont levés. Juana, Flore et Mamita se sont approchés anxieuses de la cascade. Tous regardent l'ouverture ténébreuse et restent silencieux, crispés par l'attente. Une heure s'écoule. Une heure de mortelle angoisse qui les fait passer à chaque instant par les énervantes alternatives de l'accablement et de l'espérance. Brusquement, un choc se répercute à la main de Joey, puis un second, et aussitôt un troisième. C'est le signal convenu. « À nous deux, Mamita !» s'écrie le jeune homme radieux. « Hisse avec moi, petite mère, hisse en douceur !» Et les voilà partis, allant de toute leur force, avec une vigueur et un entrain magnifiques. « Dieu que c'est long !» murmure Juana, énervée. Enfin, la tête de Jean apparaît, un peu pâle, mais rayonnante. « Quelle nouvelle, amie, dites, oh, dites bien vite !» s'écrie la jeune fille. Jean s'accroche des deux mains au rebord du puits, s'enlève à la force des poignets, émerge d'un seul coup et répond « Victoire, señorita, victoire, nous sommes sauvés !» Don Blas se redresse avec effort et ajoute « Un miracle, sur lequel nous n'osions plus compter, mais comment ?»« Oui, señor, un miracle. Dans un moment, nous serons tous en sécurité, puis, libres, sous le grand soleil. » « Permettez-moi d'organiser le sauvetage. Vite, vite, le temps presse. Un mot suffit. Il vous faut tous descendre un à un au fond de ce puits, mais rassurez-vous, c'est plus effrayant que dangereux. Vous verrez. » « Jean, notre foi en vous est absolue, interrompt Juana, et nous n'avons point peur. » « Merci, señorita, répond brièvement le jeune homme. À présent, veuillez me permettre d'agencer un peu mieux cet engin de sauvetage par trop primitif. Un simple bâton au bout d'une courroie, cela peut suffire à un homme. Pour une femme, ce serait dangereux. Joey, donne-moi ta ceinture. » Cette ceinture en soie est très fine, longue de plusieurs mètres, et d'une solidité à toute épreuve. En un clin d'œil, et avec son adresse d'ancien matelot, Jean la dispose en forme d'élingue de façon à recevoir son fardeau humain. Il l'attache au-dessus de la traverse de bois et ajoute « Voyez comme cela emprisonne bien les membres. On descendra comme dans un sac. Moi, je repars pour vous recevoir en bas et vous guider. Flore viendra me rejoindre la première. Puis vous, señorita. Puis Doña Laura et après elle, Mamita. Don Blas la suivra, puis Harry et toi enfin, mon bon Joey. Mais qui me descendra, moi ? Demande le métis. Tu installeras une solide branche de bois en travers du puits. Tu attacheras au milieu de cette branche le lasso et tu te laisseras glisser. Très bien. Mais une fois au fond du puits, comment retireras-tu le lasso et la traverse demeurer ici ? Ou alors les desperados verront et découvriront notre retraite. J'en fais mon affaire et surtout, n'oublie pas, avant de t'affaler en bas, d'envoyer dans le sac les armes, les munitions, les provisions et des torches de côté. Maintenant, assez causé, à l'œuvre. Il dit, s'installe commodément dans le petit appareil formé par la ceinture, s'assied, les jambes pendantes, sur les doubles, et commande brièvement « Laisse aller !» Pour la seconde fois, il disparaît dans le gouffre. 3 minutes après, il donne le signal. Joey remonte le lasso et dit à Fleur « À ton tour, Ninia !»« J'y vais !» fait résolument la fillette. Elle imite la manœuvre de Jean, s'assied, se cramponne des deux mains et ajoute « Je suis prête. Laisse aller, Joey. »« Bon courage, petite sœur !» crie Juana. Joey file du câble et le plongeon s'exécute au moment où le tonnerre de la cataracte étouffe la réponse de l'Indienne. Déjà, le lasso remonte. Juana court se placer au milieu des boucles entrecroisées. Elle sourit à ses parents et leur crie « N'ayez pas peur, il y a bientôt. Allez, mon bon Joey !» Elle se sent partir à 1 mètre de la cataracte, dont les gouttelettes fouettent son visage. Le jour décroît au milieu du fracas. L'ombre l'environne. Elle regarde en bas et aperçoit une lumière. Soudain, la colonne d'eau disparaît et Juana ne perçoit plus ni les gouttelettes, ni le violent courant d'air produit par la chute. Elle comprend qu'il y a 2 conduits parallèles, comme d'énormes cheminées juxtaposées. Elle descend dans l'une et la cataracte s'écroule dans l'autre. Du reste, c'est à peine si elle a le temps de réfléchir à cette bizarre configuration. 2 mains robustes et attentives la saisissent. Une voix affectueuse lui parle, celle de Jean. « Señorita, vous êtes arrivée, je suis heureux. »« Et moi, Jean, mon cher Jean, je suis fier de votre vaillance, de votre ingéniosité, et je suis ravi de vous devoir encore cela. » Une lueur crue éclaire cette scène étrange. Vivante cariatide, Flore tient une torche de côté, sourit et s'écrie « Tu vois comme c'est facile, Jean. Vite, le signal !» Quelques minutes s'écoulent, et Juana reçoit elle-même sa mère dans ses bras. Puis arrivent successivement Mamita, Don Blas et Harry. Tous se groupent dans un vaste couloir accédant au puits à angle droit, et témoignent du reste un étonnement voisin de la stupeur. C'est à présent le tour des provisions, des armes, des munitions et d'autres menus objets garnissant le sac de Mamita. Il n'y a plus là-haut que Joey, l'intrépide Joey, qui vient d'accomplir cette merveille d'adresse et de vigueur. Jean lève la tête, l'aperçoit là-haut, suspendu comme une araignée au bout d'un fil. Il distingue la barre de bois posée transversalement sur l'orifice du puits et à laquelle est attaché le lasso. Joey descend posément à la force des poignets, en gymnaste consommé. Il met enfin pied à terre et s'écrie « Caramba, j'y suis. Tu me croiras si tu veux, frère, eh bien, je commence à être fatigué. Mais il y a une chose qui me tarabuste l'entendement. Comment, diable, vas-tu faire pour enlever de là-haut la branche et notre bon lasso ?» Jean sourit et répond brièvement « Tiens bon !» Puis il prend au hasard un Winchester, vise à pic et fait feu par 3 reprises. Au 3e coup, Joey ne sent plus de résistance. Jean le tire vivement et s'enfonce avec lui dans le couloir en disant « Prends garde que les morceaux de bois ne te tombent sur la tête !» En même temps, s'abattait lourdement le lasso et la branche coupée par les balles. Et Jean ajoute avec son beau sang-froid « À présent, les desperados n'y verront que du feu. Mesdames et vous, mes amis, veuillez me suivre. » Il prend la torche des mains de Flore, l'élève et enfile délibérément le couloir. Au bout de 20 pas, il rencontre un escalier grossier découpé dans la roche. Il dit encore « Nous avons 60 marches et 2 paliers où nous pourrons nous reposer. Descendez lentement, mais sans crainte. » Étourdis par cette succession vraiment étrange d'événements, les fugitifs obéissent à leur guide. Ils s'en vont, silencieux, intrigués, se demandant comment finira cette aventure extraordinaire. Malgré la fatigue, malgré les tâtonnements de marche en marche, ils descendent d'un trait sans s'arrêter, tant est grand leur désir d'arriver. Ils pénètrent enfin dans une salle immense qui semble taillée en pleine montagne et sans aucune communication avec l'extérieur. ni porte, ni fenêtre. C'est une cavité close de toutes parts, absolument isolée du monde extérieur, et d'où s'exhalent de vagues relents d'hypogée. Alentour se trouvent accolés à la muraille des sièges massifs découpés dans le granit, et on aperçoit au fond d'une sorte d'autel un cube de pierre surmontant une demi-douzaine de degrés. Enfin, au-dessus de l'autel, l'image admirablement sculptée d'un caïman colossal, probablement quelque divinité tutélaire, l'idole de ce temple souterrain. Tous contemplent avec étonnement ce décor, dont la simplicité a quelque chose de lugubre et d'impressionnant, sous les lueurs fuligineuses de la torche. « Où sommes-nous ? » demande avec effort Don Blas à Jean de Fer, qui évolue très à l'aise, comme chez lui. Le jeune homme s'approche d'une large pierre posée debout face à l'autel et solidement encastrée dans la muraille, à l'autre extrémité de la salle. Sur la dalle, qui ferme évidemment une cavité, se trouve reproduite l'image du caïman. Jean fixe sa torche entre les griffes écartées du saurien de pierre et répond gravement « Permettez-moi, Seigneur, une courte digression qui satisfera tout à la fois votre légitime impatience et votre ardente curiosité. Mais vous êtes fatigué. Quelques minutes de repos vous sont nécessaires. Veuillez vous asseoir et m'écouter. Votre temps et le mien ne seront point perdus. » « Parlez, » répond la Sendero d'une voix basse, inquiète, malgré l'assurance qu'il voudrait témoigner. Au dernier temps de la conquête espagnole, les anciens maîtres du pays, ces demi-dieux opulents et vénérés, se voyant traqués, proscrits et décimés, cherchaient à mettre en sûreté leur personne et leur richesse. Et dans ce but, ils recouraient aux moyens les plus variés et les plus ingénieux pour échapper à leurs vainqueurs. Oui, je sais, des légendes plus ou moins vraies, qui ont singulièrement exagéré cette opulence des uns et cette cruauté des autres. Où voulez-vous en venir ? Vous allez voir. Ainsi, des ouvriers habiles et laborieux, fanatisés par leur chef, ont creusé sans trêve, avec un acharnement farouche, des refuges, et parmi eux, le nôtre. C'est une sorte de temple, analogue aux cryptes de la primitive église, avec l'image du dieu, là, au-dessus de l'autel. Le temple terminé, on s'y cache, on y vit retiré, on n'y pénètre qu'avec des difficultés inouïes. Il y a sans doute plusieurs entrées. L'une d'elles, qui n'est pas la moins originale et la moins sûre, est celle qui nous a permis d'arriver ici. Et ce n'est point assurément une chose banale que d'avoir aménagé, puis dirigé cette cascade et si merveilleusement agencé ces deux conduits parallèles, servant l'un à l'écoulement de la masse d'eau, l'autre au passage des hommes. « Votre raisonnement, répond Don Blas, est très ingénieux. Soit, va pour le refuge. Mais à défaut de ces trésors doublement fabuleux, il nous manque l'issue faute de laquelle nous sommes condamnés à périr ici misérablement. Elle existe. En êtes-vous certain ? » Jean montre du doigt la dalle verticale sur laquelle est sculpté le second caïman, dont la griffe sert de torchère au morceau de côté. « La voici. Et à mon geste, elle s'ouvrira. Et derrière elle, nous trouverons l'issue libératrice ? Seigneur Don Blas, connaissez-vous la légende du nid de l'aigle ou de la Sierra de l'or ? La vieille chanson indienne ? Oui, une rengaine inepte, aussi vieille que la conquête. Une réalité que vous allez toucher. Aussi vrai que descendant de la race conquérante et de la race asservie, nous sommes ici confondus dans une mutuelle infortune. Derrière cette dalle se trouve le trésor des anciens rois aztèques. Et derrière la salle du trésor, il y a la liberté.